سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous nous réunissons ce soir grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons tenter d'aborder Inch'Allah, la traduction d'un sermon donné par le noble Cheikh Salih al-Fawzan. Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Ce sermon a pour sujet l'évocation d'Allah, l'exalté. Et nous allons donc essayer de présenter une traduction légèrement adaptée, étant donné que le sermon est composé de deux parties et nous allons donc faire en sorte de présenter son contenu sans pour autant faire apparaître la distinction entre les deux parties et en faisant suivre directement le contenu de la première par celui de la seconde. Donc le Cheikh a dit: l'ensemble des louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur souverain des mondes, qui a préparé une immense récompense à ceux et celles qui l'évoquent abondamment. J'atteste que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, seul et sans associé. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il sait ce qui a été et ce qui est, et il suffit comme omniscient. De même que j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Sur qui il a fait descendre le livre et la sagesse, et à qui il a enseigné ce qu'il ne savait pas. Et les faveurs d'Allah à son égard sont immenses. Qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, et qu'il en fasse de même avec les membres de sa famille et ses compagnons. Ensuite, ô gens, craignez pieusement Allah l'exalté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuha alladhina amanu thkurullaha dhikran kathira, wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui avez la foi, évoquez Allah de manière abondante et proclamez sa pureté matin et soir. Il a également dit, subhanahu wa ta'ala, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Évoquez-moi donc, je vous mentionnerai, et soyez reconnaissants vis-à-vis de moi et non pas ingrats. Serviteur d'Allah, l'évocation d'Allah, dhikrullah, est un moyen de chasser Satan et de se sauver de l'enfer. Et c'est une cause menant au paradis. Craignez donc pieusement Allah et évoquez-le de manière abondante et soyez grandement reconnaissants vis-à-vis de lui. Sachant que l'évocation d'Allah, dhikrullah, s'opère par le cœur, mais aussi par la langue, ainsi que par les actes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa aqimi salata li dhikri, et accomplis la prière afin de m'évoquer. Il a également dit, subhanahu wa ta'ala, وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ. Et accomplis la prière. Certes, la prière écarte de la turpitude et du blâmable, et l'évocation d'Allah est plus grande. L'évocation d'Allah se fait par le cœur. comme l'a d'ailleurs dit Allah Jalla wa Ala dans le hadith divin, le hadith al-Qudsi. Hadith al-Qudsi, hadith divin, c'est un hadith qui est rapporté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il rapporte de son Seigneur. Allah a donc dit: je suis avec mon serviteur, s'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même, et s'il fait mention de moi devant une assemblée, je le mentionne devant une assemblée meilleure encore. L'évocation d'Allah se fait également par les œuvres, telles que la prière, la zakat, ou encore le pèlerinage, le hajj, ou l'umra. Et par l'ensemble des formes d'obéissance, qu'elles soient liées aux paroles, aux actes ou aux dépenses financières. Tout cela relève de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par l'évocation d'Allah, les cœurs s'apaisent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont la foi et dont les cœurs s'apaisent par l'évocation d'Allah, c'est bien par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. L'évocation d'Allah vient habiter et remplir les demeures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la demeure dans laquelle Allah est invoqué en comparaison avec celle dans laquelle Allah n'est pas invoqué est comme le vivant comparé au mort. Il convient donc d'évoquer abondamment Allah. L'évocation d'Allah chasse Satan et protège l'individu. À ce titre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et je vous commande l'évocation d'Allah, car l'image de ceux qui l'évoquent est pareille à celle de personnes dont les ennemis se seraient précipités à leur trousse et qui se seraient réfugiés dans une forteresse bien gardée et qu'Allah aurait protégé. Donc le musulman se réfugie dans l'évocation d'Allah sans cesse. Et par l'évocation d'Allah, il se protège de ses ennemis, de même qu'il se protège du châtiment de l'enfer et de tout ce qu'il peut être amené à réprouver et craindre. Chers serviteurs d'Allah, la plus méritoire des formules d'évocation, d'ikr, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est la parole pure. C'est la parole empreinte de crainte pieuse. C'est l'anse la plus ferme. Al-urwatul wufqa. Et c'est la bonne parole. Al-kalimatul tayyiba. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. N'as-tu pas vu comment Allah a cité en parabole une bonne parole, tel un bon arbre dont les racines sont implantées dans le sol et les ramures s'élancent dans le ciel? Il donne de ses fruits à tout instant par permission de son Seigneur. La bonne parole, c'est la ilaha illallah, comme on le trouve d'ailleurs dans les exégèses. Il convient donc de prononcer abondamment cette parole-là. Par elle, donnez vie à vos cœurs. Par elle, remplissez vos demeures. Et par elle, illuminez chaque instant de votre existence. Lorsqu'un homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'une œuvre qui lui donnerait accès au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que ta langue soit sans cesse humidifiée par l'évocation d'Allah, dhikrullah, le fait d'évoquer Allah, le fait de le mentionner. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, après avoir cité ce hadith, de continuer en disant « Habituez donc vos langues à évoquer Allah sans cesse. Et n'oubliez pas d'évoquer Allah. Car celui qui néglige l'évocation d'Allah se retrouve délaissé par Allah. Et Satan commence à prendre le dessus sur lui. La parole « La ilaha illallah » est une parole qui est légère, mais aussi lourde. Elle est légère sur la langue, mais elle est lourde auprès d'Allah. On trouve dans un hadith que le prophète Moïse, alayhi salam, s'est adressé à Allah en ces termes. Ya Rabb, ô Seigneur, enseigne-moi une chose par laquelle je t'évoquerai et t'invoquerai. Allah lui a alors répondu, dis, ô Moussa, la ilaha illallah. Moussa a alors dit, ô Seigneur, l'ensemble de tes serviteurs disent cela. C'est alors qu'Allah lui a dit, ô Moussa, si les sept cieux, ceux qui s'y trouvent, acceptez-moi, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Si les sept cieux et ceux qui s'y trouvent, acceptez-moi. Et les sept terres et ceux qui s'y trouvent étaient placés sur un plateau de la balance et que la ilaha illallah était placée sur l'autre plateau, c'est la ilaha illallah qui ferait pencher la balance de son côté. Le shir de continue après avoir cité ce hadith en disant que le jour de la résurrection, un homme va être amené avec en sa compagnie 99 registres contenant des mauvaises actions et des œuvres mauvaises. Ces registres-là vont être remplis de ces œuvres mauvaises. Et chacun de ces registres s'étendra à perte de vue. Et il va alors être dit à cet homme, as-tu à ton actif une bonne action? C'est alors qu'il va être pris par la honte et qu'il va dire non, ô Seigneur. Il va alors lui être dit, détrompe-toi. Tu as certes à ton actif, auprès de nous, une bonne action. Et aucune injustice ne te sera faite. C'est alors qu'une carte, c'est-à-dire une petite feuille, va être apportée. Et sur cette petite feuille, il sera écrit « La ilaha illallah ». La ilaha illallah va alors être placée sur un plateau. Et les 99 registres, nous avons vu que chacun de ces registres s'étend à perte de vue. Les 99 registres seront posés sur un autre plateau et c'est la ilaha illallah qui fera pencher la balance de son côté et c'est alors que cet individu accédera au paradis. Cette parole grandiose a donc tout son poids auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cependant, ce n'est pas une simple formule que l'on prononcerait avec la langue, mais c'est une parole qui a un sens et qui a des implications. Et il est impératif de connaître son sens, de même qu'il est impératif d'œuvrer selon ce qu'elle implique. La ilaha illallah a pour sens nul ne mérite d'être adoré excepté Allah. Nul ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc tout ce qui est adoré autre que lui est faussement adoré. À ce titre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَدِيُّ الْكَبِيرُ » Cela du fait qu'Allah est le seul Dieu adoré de plein droit et que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est illégitimement adoré. Et du fait qu'Allah est le très haut, Al-Ali, le très grand, Al-Kabir. C'est pour la ilaha illallah que les messagers ont été envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. En s'adressant à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans que nous lui ayons révélé que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est moi, adorez-moi donc. La parole « La ilaha illallah » a un sens qu'il est impératif que le musulman connaisse, de même qu'il est impératif qu'il œuvre selon les implications contenues dans cette parole. « La ilaha illallah » vient nier toute forme de polythéisme, shirk, et vient écarter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et affirmer le droit d'être adoré à Allah seul. Azza wa Jal. Donc, la ilaha vient nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et annihiler l'adoration de tout autre qu'Allah. Alors que illallah vient justement affirmer que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et sans associé. Il est impératif que l'individu dise cette parole-là avec le cœur, comme on le trouve d'ailleurs dans ce hadith, dans lequel Abu Huraira, radiyallahu anhu, a questionné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, ô messager d'Allah, quels sont les gens qui seront en droit de bénéficier de ton intercession le jour de la résurrection? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ceux qui disent « La ilaha illallah » de manière pure et sincère, venant du cœur, dans le sens où ils ne le disent pas uniquement avec leur langue. Pas uniquement avec leur langue. Dans un autre hadith, Allah a interdit à l'enfer quiconque dit « La ilaha illallah » en recherchant par là la face d'Allah. Ce qui exclut le fait de se contenter de le dire avec la langue. Il faut le dire avec la langue et il faut qu'il y ait le cœur. Les hypocrites, al-munafiqoun, disent « La ilaha illallah ». Pourtant, ils sont plus bas fond de l'enfer. Et tu ne trouveras pour eux aucun secoureur. Car ils disent la ilaha illallah avec leur langue, mais leurs cœurs n'en sont pas convaincus. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux polythéistes, dites la ilaha illallah et vous réussirez, ils ont répondu, comme on le trouve d'ailleurs mentionné dans le Coran, aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. A-t-il fait des divinités un seul Dieu, voilà une chose qui est bien étonnante. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Faisant mention des polythéistes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, une traduction qui se veut approcher du sens de sa parole, lorsque on leur disait « La ilaha illallah, nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah », ils s'enorgueillissaient et disaient « Allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou ?» en visant par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les gens de cette époque-là, de l'époque de la grande ignorance anti-islamique, et qui, et auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été confronté, ils ont refusé de dire « La ilaha illallah » étant donné que « La ilaha illallah » venait annihiler tout ce qu'ils faisaient à l'égard de leurs idoles. Ça venait annihiler l'adoration qu'ils vouaient à leurs idoles. Or, eux, ils ne voulaient pas délaisser l'adoration de leurs idoles. Mais ils voulaient plutôt y rester attachés et cramponnés. Et beaucoup d'adorateurs de tombes, à notre époque, adorent les tombes et cherchent secours auprès des tombes et sacrifient et formulent des vœux en leur faveur, tout en disant « La ilaha illallah ». Ils disent énormément « La ilaha illallah », mais ils ne mettent pas en application ce que cette parole implique. C'est ainsi qu'ils ne délaissent pas l'adoration d'autre qu'Allah et ne vouent pas un culte pur à Allah, wahdahu la sharika la. Donc, les mécréants de la tribu de Quraysh connaissaient plus le sens de la ilaha illallah que ses contemporains. Il est impératif que nous sachions cela. Cette parole-là, ce n'est pas une simple formule que l'on prononce avec la langue, c'est plutôt une parole grandiose qui contient un sens éminent et dont découlent de nobles implications. Comme l'a d'ailleurs dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus éminente des invocations, c'est l'invocation de Arafah. Et la meilleure des choses que j'ai dites, moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. » Nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, seul et sans associé. À lui revient la royauté suprême, et c'est à lui que sont adressées toutes les louanges, et il est celui qui est capable de toutes choses, c'est-à-dire l'omnipotent. Donc la ilaha illallah, c'est la meilleure formule d'évocation, dhikr, et c'est la plus éminente, tout en étant la plus légère sur la langue. Alors comme nous l'avons vu, c'est une parole qui est légère dans le sens où elle ne prend pas de temps à l'individu, bien que ses vertus soient énormes. Et cette chose-là, ça en rendra compte celui qui en connaît le sens et qui œuvre justement en fonction de ce qu'elle implique. Craignez donc pieusement Allah, ô serviteur d'Allah, et évoquez Allah de manière abondante, surtout en prononçant cette parole « La ilaha illallah ». Même celui qui est sur le point de mourir, il est demandé de lui faire dire cette parole-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites dire à vos morts, c'est-à-dire à ceux qui sont sur le point de mourir, sur leur lit de mort par exemple, faites dire à vos morts « La ilaha illallah ». Car celui dont la dernière parole sera « La ilaha illallah » entrera au paradis. Par cette parole, il aura clôturé sa vie et il aura quitté ce bas monde en ayant prononcé une parole grandiose, cela de manière convaincue et avec foi, et c'est ainsi qu'il accède par la suite au paradis. « La ilaha illallah » implique que l'individu qui la prononce mette en pratique tout ce qu'Allah a ordonné et mette de côté et s'éloigne de tout ce qu'Allah a interdit, en rejetant et en délaissant en premier lieu l'adoration d'autre qu'Allah, et en délaissant également les différentes formes de désobéissance et les différentes mauvaises actions. Cela implique également de multiplier les œuvres pieuses et les bonnes actions. Car la ilaha illallah, c'est la clé du paradis et c'est la clé de la demeure du salut. C'est pour cela que lorsqu'il fut dit à Wahb ibn Munabbih, qu'Allah lui fasse miséricorde, Wahb ibn Munabbih, qui compte parmi les savants de la deuxième génération de cette communauté, lorsque il lui a été dit, la ilaha illallah n'est-elle pas la clé du paradis? Il a répondu, effectivement. Cependant, il n'est pas une clé sans qu'elle soit dotée de dents. Si tu te présentes avec une clé dotée de dents, la porte te sera ouverte. Sinon, elle restera fermée. Il voulait dire par là que il ne suffit pas de se contenter de prononcer la ilaha illallah. De même qu'il ne suffit pas de venir avec une clé dénuée dedans. Il est plutôt impératif de se présenter avec des œuvres pieuses qui justement correspondent à ces dents. Les dents de la clé sont les œuvres pieuses qui accompagnent la ilaha illallah. Et à la tête de ces œuvres pieuses-là, ce qui relève de ce qui est obligatoire, religieusement parlant. Craignez donc pieusement Allah, ô serviteur d'Allah, et évoquez abondamment Allah, et prononcez avec abondance la ilaha illallah, et ne négligez pas l'évocation d'Allah, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wa taba'a hawah. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. N'oublie pas à ceux dont nous avons rendu le cœur insouciant à notre rappel, qui suivent les penchants de leurs âmes et dont les actes sont outranciers. Puis donc, dans la seconde partie du sermon, Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit, après avoir adressé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, et avoir adressé plusieurs invocations, notamment en faveur de son serviteur et messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shaykh a dit, serviteur d'Allah, l'évocation d'Allah vient se mêler aux œuvres du musulman. L'évocation d'Allah correspond même à plus que cela, c'est l'âme qui vient animer les œuvres pieuses. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'évoquer après les prières. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Puis lorsque vous achevez la prière, évoquez Allah, que vous soyez debout, assis ou accoudé. Donc Allah Jalla wa Ala a ordonné de l'évoquer après la prière obligatoire, de même qu'il a ordonné de l'évoquer de manière abondante, à tel point que l'individu sans cesse évoque Allah, qu'il soit à la mosquée ou en dehors de la mosquée. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de la prière du vendredi, le Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Puis lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez des faveurs d'Allah et évoquez abondamment Allah afin que vous réussissiez. Allah nous a également interdit de nous laisser distraire par les biens et les enfants face à l'évocation d'Allah. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ô vous qui avez la foi, que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas de l'évocation d'Allah. Et celui qui ferait cela ferait certes partie des perdants. Allah subhanahu a dit à propos des mosquées, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dans des demeures qu'Allah a autorisé d'ériger et que ces noms y soient mentionnés proclame sa pureté des hommes que ni négoce ni commerce ne détournent de l'évocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat. Ils craignent en effet un jour durant lequel les cœurs et les regards seront bouleversés, afin qu'Allah les rétribue en fonction des meilleurs de leurs œuvres et qu'il leur ajoute de ses faveurs, et Allah octroie la subsistance à qui il veut sans compter. Donc, il est impératif que vous mentionniez abondamment Allah, que vous l'évoquiez de manière abondante. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Évoquez Allah, que vous soyez debout, assis ou accoudé. Évoquez Allah, que vous soyez en train de marcher ou que vous soyez assis. Évoquez Allah dans vos magasins, sur vos lieux de travail. Évoquez Allah dans vos demeures, dans vos maisons. Et évoquez abondamment Allah sans cesse, afin qu'Allah illumine vos cœurs et améliore vos œuvres. Et c'est sur cela que se termine cette tentative de restitution des enseignements magnifiques dispensés par le noble cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve et le récompense en bien et qu'il lui fasse miséricorde ainsi qu'à l'ensemble des ulama de l'islam et qu'il allonge son existence dans son obéissance. Wallahu a'lam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.